casse, ro. De speed, donne-moi mon casse, ro. Vite, donne-moi mon casse, ro. Y'a la vie, c'est bon côté. Moi j'suis sur l'autre berge, boy, j'suis en écoute. À la Fnac et chez les RG. Danger. Parce que je l'ai fait en indé, je m'en bats la race de rentrer au ban, gros je suis blindé. Au DDD le début, mes conflits parentales dans le cartable, c'est le PO qu'on donne au bébé. Et dans le cartel, on peut mourir à one tête, criblé de balles, mes crédits pour que tu te rappelles. Ma clique, clique, pour elle que je m'applique. Et si j'hésite, c'est qu'une boulette bloque l'automatique. J'ai vu la scène et tous ces cadavres. Petite à les nouvelles armax, mais pas de garrot avec les lacets. Pour reciter Black. Une cité ou d'une baraque, t'ira pas loin, si vend du crack ou t'ira 3 points. J'ai vu le passé kidnapper l'avenir. Le présent sucé des bites et tous mes négros sur un navire. Ah ouais, tu parles comme ça. Alors avec une entaille dans les entrailles, à taille, tu pars comme ça. On l'a fait tout seul. Sous-sol, au toit sans boussole. De la caresse au doigt dans le boule, ça vient de Boulogne. Tu vois la fougue dans nos yeux, sli, nourri au bestieux. Il est ici jusqu'au puzzle. Du bis, autant de morale qu'à des busy. Les vrais sages, j'ai que mes tripes, mon hip-hop, quelques principes. Tu piges, ça fait 8 piges. Les mythos baissent, rêve aussitôt, je remplis les lyricales au plutôt. Quoi, j'ai de la peine quand je démasse au siècle. D'où l'air à balle de bastos, réchauffe le climat. Tu vois, c'est le son des Youvois. Tu m'as, aujourd'hui j'suis hal, hier j'suis mort, 41 balles. Trop coloré comme un faux scalpa. Génération Mad Max, né dans le magma. Ici on déjeune, avec du shit on meurt jeune. Mauvais œil, mauvaise zone, plein dans ma zone. J'ai cru réussir. On m'a dit que mon sous-marin venait de Russie. Qu'ici y'avait du R&B de rue. J'ai besoin d'un casse-dal. Un clitoris, sans barbale, trop de PD dans le rap parle mal. Pro, check mon numéro 9-2, j'fais mal à part ça 1-9, que dalle. Marque toujours des buts, shoot dans lucarne loop. Si j'te pardonne, écris les jours de pleine lune. Ma tribu se couche à l'heure où tu tapes, on est tous sur le terrain d'une. Vite, arrache ton cul des tribunes 2, vas-y roule un gramme de but. J'connais ma ville, j'ai vu ta plaque au bois de Boulogne. Bonhomme, on peut pas se replier de trucs faux. Chez nous, les puces, c'est faire et les piller. Envoie les MC, 6 pieds sous terre. Quand les lumières s'éteignent, c'est du Wu-Tang. On sous-estimé, on te sortira le méchant team. Musique et crime pour les centimes. J'crée les meutes, mon feutre imbibé de sang. Pédé, j'te descends du rouge à lèvres sur la pute. Et c'est bandant d'être indépendant.